kid. Yo, yo. Hey. Yo. J'ai pas le temps de faire ci, encore moins le temps de faire ça. J'ai pas le temps de me faire sur le tap, je t'enferme à faire ça. Je peux pas rester immobile, posé et sourire comme une pin-up. Je veux tester si possible le rap et passer comme les beat notes dans les boîtes que Patton. Rien que des bonnes prods, je sais que ça plaît pas à tes potes, mais j'ai pas le temps d'être à la mode. De toute façon, tes amis disent aussi que le rap se dissout aussi de tout. J'ai pas les gosses et ceci, ça me causerait des soucis de fou. Et d'autres me disent, article pour le rap, mec, t'as pas la voix. Que je serais mieux dans la variété, un genre de clown de Balavoine. Je pourrais les insulter quand ils m'offensent, mais j'ai pas le temps. Je pourrais les massacrer quand ils m'offensent, mais j'ai pas le temps. Ma vie en fait n'est faite que de plèmes et de broutilles pris en filature par le temps, je me fais contrer par la routine. Nique sa mère autant que tu passes, moi j'ai pas le temps de vieillir. Je vous expliquerai pourquoi, mais j'ai pas le temps de vous le dire.